Mercredi 3 octobre, Abraham, le père du peuple de Dieu. Les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, considèrent Abraham comme leur père. Pour les chrétiens, cette association est une relation spirituelle. Quand il a été appelé à quitter son pays en Mésopotamie, Dieu dit à Abraham qu'en lui, tous les clans de la terre se béniront par toi. La bénédiction est venue à travers Jésus. Lisez Hébreux 11, versets 8 à 19, Romains 4, le verset 1 à 3, et Galates 3, le verset 29. Quels éléments de la foi d'Abraham mentionnent ces passages et en quoi sont-ils liés à l'idée d'unité chrétienne? C'est-à-dire, que trouve-t-on dans ces textes qui peut nous aider aujourd'hui à comprendre quel devrait être un élément crucial de l'unité chrétienne? En tant que père de tous les croyants, Abraham nous donne quelques-uns des éléments centraux de l'unité chrétienne. D'abord, il pratiquait l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Deuxièmement, il espérait dans les promesses de Dieu. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Troisièmement, il croyait que Dieu lui donnerait un fils, et qu'un jour ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles. Ainsi, sur la base de cette réponse, Dieu le justifia par la foi. Quatrièmement, il avait confiance dans le plan du salut divin. Le plus grand test pour la foi d'Abraham se présenta quand Dieu lui demanda de sacrifier Isaac sur le mont Moria. L'Ancien Testament décrit Abraham comme un ami de Dieu. Sa vie de foi, son obéissance inébranlable et sa confiance en les promesses de Dieu font de lui un exemple de ce que nos vies chrétiennes devraient être aujourd'hui. Réfléchissez à vos actes et à vos paroles de ces derniers jours. Comment vous assurer que vos paroles ou vos actes, quels qu'ils soient, reflètent la réalité de votre foi ?